J'mets ce qui m'a fait des polices. Même si on est déjà maudit, je n'attends pas le bel avenir. J'attends que mes armées sortent en conduit. Comportement de bonhomme, la vie ragazzi. Comportement de bonhomme, la vie ragazzi. J'ai un pied dans le din et l'autre pied dans la haram. J'ai une main sur le cœur et l'autre main sur une âme. J'ai mille et une idées noires, j'ai peur de Dieu, j'en fais des cauchemars. J'ai tant qu'un rêve dans l'armoire et que Jones en calistoire. On va tous percer comme El Chapo. Ralas, ralas, nous on fait la peau. Frigo vide, mal au bide. Depuis tout petit sur le bitume on se fait des crocs. J'ai peur de Dieu, pas de l'homme. Vaillant depuis mam. J'suis venu en France sans faf. Faut que je reparte avec la somme. Pour prendre mon honneur, faudrait prendre mon âme aussi. J'annonce la couleur, mais non, man, comme j'ai acheté. J'ai vu des frères s'entretuer, donc regarde l'ennemi d'un autre comme un Uchiwa. Déterminé, déterminé, la peur n'est qu'un vulgaire détail dans mon faux espoir. Aïe, aïe. Comme Corleone, fidèle jusqu'à la mort comme Limone. J'suis un loup avec les loups, avec les putes mal dominants. J'protège la mif comme Corleone, fidèle jusqu'à la mort comme Limone. J'suis un loup avec les loups, avec les putes mal dominants. Yeah, j'suis avec Pachinga en bas du pat. On élabore un plan gant pour leur faire du sale. Yeah, Bubble Wet Harash Stout. VLG Gang, VLG Gang. Smoking Gang, Wiska Blood. T'es ready or not? Wiska Blood. Est-ce que t'es ready or not? Wiska Blood.